Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Nous avons la grâce de commencer une nouvelle semaine avec Jésus-Christ, le roi des rois. Je vais dire à quelqu'un, cette semaine est une semaine où tu as des grands défis à relever. Toi qui as un rendez-vous, j'aimerais te dire que Dieu a déjà disposé celui qui va te recevoir favorablement. Marche avec Jésus et tu as déjà la victoire au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la Brèche. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 53. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons le psaume 53. Au chef des chantres sur la flûte, cantique de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils les prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre moi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen. Il y a trois vérités que je voudrais partager avec vous à partir de ce psaume 53. Première vérité, le péché est une réalité universelle. Dans ce psaume qui ressemble au psaume 14, David veut souligner une vérité irréfutable. Tout homme est pécheur. Il l'exprime à travers plusieurs expressions. Au verset 1, il dit, sur la flûte, cantique de David, verset 2, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Si quelqu'un te dit, la Bible même dit qu'il n'y a point de Dieu, mais il faut préciser, celui qui dit il n'y a point de Dieu, on l'appelle insensé. C'est comme quelqu'un qui ne raisonne pas, qui ne réfléchit pas bien, l'insensé. Si toi qui m'entends, tu es parmi ceux qui disent il n'y a point de Dieu, la Bible dit que tu fais partie de ceux qu'on appelle des insensés. Et puis, la Bible poursuit en disant, ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Donc, ça nous montre une réalité. Tout homme est pécheur à partir du péché d'Adam. Quand Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit que le péché est entré dans le monde par un seul homme et tous ont péché. Oui, c'est une réalité. Si quelqu'un te dit qu'il y a quelqu'un dans ce monde parce qu'il porte le nom de saint, il n'est pas pécheur, c'est faux. Déjà par nature, nous naissons pécheurs. Tout homme, tous ont péché. Vous voyez, l'apôtre Paul écrit en Romains en disant, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Vous trouvez ça dans Romains 3, 10 à 15. Vous voyez, c'est une sorte de reprise de ce que ce psaume 53 dit. Le péché, donc, est entré dans le monde par le premier homme Adam. Et toute l'humanité hérite de cette nature pécheresse en Adam. C'est pourquoi Dieu a envoyé son fils comme le nouvel Adam pour nous sauver du péché. Selon Romains 5, 12 à 15. Deuxième vérité que nous révèle ce psaume 53. Ceux qui combattent le peuple de Dieu seront jugés. Ce psaume nous révèle aussi certaines caractéristiques de nos ennemis et leurs actions. Qu'est-ce qu'ils font? Premièrement, ils ont perdu leur sens, nous dit le verset 5. L'apôtre Paul dit que les hommes sans Christ ont une intelligence obscurcie. Ils ont perdu tout sentiment. Ils se livrent à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Éphésiens 4, 18 à 19. C'est pourquoi je vais parler à une dame. Ton mari ne connaît pas le Seigneur. Ton mari est païen. Mais tu t'étonnes de ce que ton mari fait. Il prend l'argent, il va dépenser au dehors. Il rentre, il est saoul. Donc, il est livré dans l'ivrognerie. Il faut que tu comprennes, que tu aies pitié de lui. Parce qu'il a l'intelligence obscurcie. Qu'est-ce que les méchants font encore? On dit, il dévore le peuple de Dieu et les prend pour nourriture. Vous voyez, le verset 5, il dit, il dévore mon peuple, il les prend pour nourriture. Le verbe « dévorer » ici sert à montrer leur cruauté envers le peuple de Dieu. Le prophète Michée pouvait dire dans Michée 3, verset 3, « Il dévore la chair de mon peuple, lui arrache la peau et lui brise les os. Il les met en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. » Vous voyez, ça c'est une des caractéristiques des faux pasteurs, des faux apôtres. Je vais parler à une dame, écoute-moi bien. Toi tu cours derrière les prophètes, tu aimes toujours les gens, là on va te dire des révélations qui est le sorcier de ta famille. Écoute-moi, et puis on va te demander l'offrande. Il faut avant de prier, il faut donner l'offrande. C'est une façon de dévorer. Dieu ne nous demande pas de demander l'offrande avant de prier pour quelqu'un. Il y a beaucoup de gens, ils vont offrande par-ci, offrande sacrificielle, offrande du prophète, offrande de l'apôtre, offrande de ceci. Mais mon ami, il faut que tu comprennes qu'on est en train de te dévorer depuis que tu fais ces offrandes-là. Surtout quand tu ne les fais pas là où Dieu veut que tu les fasses, laisse-moi te dire, tu es en train d'être dévoré. Tu ne sèmes pas de la bonne terre. Ils dévorent mon peuple, ils les prennent pour nourriture. Vous voyez? En Afrique, il est généralement admis que les sorciers peuvent bouffer entre griffes certaines personnes. Si cela est possible, ils ne peuvent bouffer ceux qui appartiennent à Christ, car leurs vies sont cachées avec Christ en Dieu. Je vais parler à quelqu'un, un jeune. On t'a dit que dans ta famille, il y a la sorcellerie et que tu serais sur la liste de ceux qu'on doit bouffer avant la fin de l'année. Tu dois déclarer que tu es imbouffable. Tu vas dire que ta vie est cachée avec Jésus. Tu vas dire que tu es caché sous le sang de Jésus. Que tous ceux qui prennent ta vie comme nourriture, ils sont sans effet. Tous ceux qui prennent tes enfants, ton mari, ta femme, ta famille comme nourriture, ils ont sans effet, ils vont échouer. Ils prennent mon peuple pour nourriture. Il faut dire que moi, je ne suis pas une nourriture. Mes enfants ne sont pas de nourriture. Mon mari n'est pas une nourriture. Ma femme n'est pas votre nourriture. Et vous ne pouvez pas le dévorer au nom de Jésus. Il dit encore, ils n'invoquent pas Dieu. Verset 5. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. L'apôtre Paul montre qu'il existe une corrélation entre les verbes invoquer, croire, entendre et prêcher. Lorsqu'il dit, il dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Vous trouvez ça dans Romains 10, verset 14. Nous avons donc une responsabilité en tant que chrétiens d'annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Christ. Qu'est-ce qu'ils font, ceux qui combattent le peuple de Dieu? La finalité de ces personnes, c'est le jugement, vous voyez? C'est pourquoi David dit au verset 6, « Alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu les dispersera, il dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. » Il avait annoncé aussi ses jugements par la bouche du prophète Jérémie en ces termes. « Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. » Jérémie 30, verset 16. Les Babyloniens ont dévoré le peuple de Juda en l'amenant en captivité à Babylone. Plus tard, Dieu suscita les Perses pour les juger. Ceux qui combattent le peuple de Dieu seront jugés. Troisième vérité que nous révèle ce psaume 53. Dieu délivre son peuple de ses ennemis. Il est le Dieu de délivrance. Ce psaume parle de la délivrance d'Israël au verset 7. Il fait allusion à la captivité du peuple de Dieu à Babylone et en Assyrie. L'histoire nous dit qu'après 70 ans, Juda est sorti de la captivité. Dieu a suscité Cyrus, roi des Perses, pour signer un décret ordonnant le retour du peuple de Dieu dans sa terre natale. Vous trouvez ça dans Ésaïe 45, 1 Esdras 1:1-5. La délivrance divine est souvent surnaturelle et elle procure une grande joie. Quelle que soit la durée de notre captivité, sachons que Dieu peut mettre fin à cette captivité. Je vais dire à quelqu'un, tu vis des moments difficiles, des moments de combat, des moments sombres. Peut-être que ça fait plus de 2 ans. J'annonce et je prophétise la fin de ta captivité. De la même manière que Judas a été libéré de la captivité, Dieu met fin maintenant à ta captivité. Tu vas oublier le temps où tu as pleuré. Ta captivité spirituelle, ta captivité matérielle, ta captivité financière. Le Seigneur met fin maintenant à ta captivité. Jésus est venu dans ce monde pour libérer les captifs et les opprimés. Il a dit dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et pour publier la liberté des opprimés. Tournons donc nos regards vers lui et croyons en lui et il nous délivrera de nos ennemis. » Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons le louer, nous allons le célébrer. Chantons d'abord ce cantique. gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma sœur. Bénis le nom du Seigneur. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière que nous appelons OSB, c'est-à-dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous vous saluons à partir d'Abidjan avec toute l'équipe OSB et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui suivent OSB. Si vous recevez OSB par WhatsApp, oui, partagez avec des amis, avec des parents partout dans le monde et que Dieu vous restaure, que Dieu vous visite. Bientôt, nous aurons une grande rencontre à Abidjan appelée spécial OSB d'Action des Grâces, où tous ceux qui bénéficient de OSB vont venir dire merci au Seigneur. Et si vous aussi qui recevez OSB, où que vous soyez, si vous voulez dire merci, si vous voulez manifester votre reconnaissance, faites-le de la manière dont le Seigneur va vous montrer. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 53. Voici quelques sujets de prière. Étant conscient que tout homme est pécheur, par nature, demandons à Dieu de nous donner le courage d'annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Christ. Prions le Seigneur pour nos amis, pour nos parents, pour nos petits frères, nos petites sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Au nom de Jésus. Nous te bénissons et nous te glorifions ce matin, Père éternel, car c'est en toi que notre âme se confie, c'est de toi que vient notre salut. Oui, c'est toi notre rocher et notre salut, notre forteresse. Nous ne serons guère ébranlés. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour toutes tes grandes réalisations. Et nous avons l'opportunité ce matin de prier pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos proches, pour nos amis, pour nos compatriotes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne sont pas convertis. Nous prions ce matin au Père éternel et nous te demandons de nous donner la force, de nous donner le courage, de nous donner le zèle, de nous donner la hardiesse d'annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Christ. Crée les opportunités, ô Père éternel, et mets sur nos bouches les paroles que nous devons prononcer. Donne-nous cette hardiesse, ô Père éternel, afin que nous puissions proclamer la bonne nouvelle et contribuer à l'avancement de ton œuvre en passant par nous pour délivrer les captifs. Nous prions pour la manifestation de ta puissance et nous déclarons que ceux de nos proches, ceux de nos amis, ceux de nos frères et nos sœurs qui sont aveuglés par les puissances des ténèbres, nous proclamons leur délivrance ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que le voile est déchiré, la couverture est ôtée et que l'accès de ta parole apporte la délivrance. L'accès de ta parole apporte la lumière dans leur vie. Nous te disons merci, Père éternel, parce que nous avons l'assurance que notre prière a été exaucée. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier contre l'esprit de destruction dans nos vies. Repoussons cet esprit qui dévore notre santé, qui dévore nos finances, qui dévore notre famille. Et refusons d'être la nourriture de nos ennemis. Tu vas dire, je refuse, je ne suis pas leur nourriture. Mon argent, il ne peut pas dévorer. Il ne peut pas dévorer mon foyer. Il ne peut pas dévorer mes enfants. Il ne peut pas dévorer mon commerce. Oh, tu vas refuser cela au nom de Jésus. Et tu vas chasser l'esprit de destruction loin de ta vie et de ta maison. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, ce matin, je viens à toi parce que tu as des promesses pour moi. Et l'une des promesses dit que j'ai du prix à tes yeux. Et le livre d'Ésaïe au chapitre 43, à partir du verset 1. Maintenant, ton Créateur Israël, lui qui t'a formé, peuple de Jacob, le Seigneur te déclare ceci. Donc, bien-aimé, le Seigneur nous déclare ceci. Et le Seigneur dit, n'aie pas peur, je prends en main ta cause. Je t'ai pris à mon service, tu m'appartiens. Au verset 3. Quand tu traverses l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras le fleuve, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. Alléluia. Au verset 3, enfin, car moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi le Saint d'Israël, je suis ton Sauveur. Alléluia. J'ai dit oui encore à cette promesse. Merci d'être notre sauveur. Merci parce que par la rédemption en Christ, nous avons une position élevée. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Et nous, en cette fin d'année, nous, en tant que fils du royaume, nous, en tant que membres de l'équipe de OSB, nous, en tant que famille qui prions avec OSB, nous ne serons point dévorés. Et notre santé ne sera point dévorée. Nos finances ne seront point dévorées. Les membres de nos familles ne seront point dévorés. Cette fin d'année, je refuse d'être la nourriture de mes ennemis. Quelqu'un refuse avec moi d'être la nourriture de ses ennemis. C'est pourquoi je chasse l'esprit de destruction de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de destruction dans la vie de cette famille, dans la vie de ce frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu es pour nous et avec toi, nous triomphons, nous gagnons, nous marchons, nous vivrons et nous accomplirons nos desseins en cette fin d'année. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Merci pour ton sang, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour cette journée qui s'ouvre avec des bénédictions au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions pour que Dieu nous délivre de toute forme de captivité, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, spirituelle, sentimentale, financière, et pour que lui-même juge nos ennemis, parce qu'il a promis ici de juger nos ennemis et de nous délivrer de toute forme de captivité. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Très excellent Père, nous te bénissons, nous te glorifions et nous magnifions ton saint nom ce matin. Nous cherchons refuge en toi, que jamais nous ne soyons déçus. Dans ta justice, viens à notre secours et délivre-nous. Tends ton oreille vers nous et sauve-nous. Sois pour nous un rocher où nous trouvons un refuge, où nous puissions toujours nous retirer. Merci Père éternel. Nous prions ce matin et nous te demandons Père de nous délivrer de toute forme de captivité. Captivité émotionnelle, captivité sentimentale, captivité financière, captivité spirituelle. Oh Dieu, envoie ta parole et délivre-nous de toute forme de captivité. Nous déclarons que tout joug de servitude est brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Envoie ta parole et relève notre tête. Envoie ta parole et relève-nous de nos chutes. Envoie ta parole et combat pour nous dans nos luttes. Ô Père éternel, nous avons ce privilège d'être appelés enfants de Dieu. Et nous te demandons, Père, à cet effet, de toi-même juger nos ennemis. Occupe-toi personnellement de nos ennemis. Tu nous as demandé, ô Père, de prier pour nos ennemis, de ne pas les maudire. C'est toi qui t'occuperas d'eux. Nous disons merci parce que nous savons, ô Père éternel, que notre délivrance s'est manifestée ce matin. Nous savons, ô Père éternel, que nous avons la victoire sur les puissances des ténèbres. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force.